Merci de nous rester fidèles, Madame, Monsieur. Bienvenue à l'écoute de cette édition. Voici le sommaire. Le droit à la nationalité et les libertés politiques constituent le gros des plaintes qu'a enregistré la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH, en 2024. Dans cette édition, certains citoyens de la province Bururi, c'est au sud du Burundi, appellent la Commission électorale nationale indépendante, CENI, à être un bon arbitre électoral. Les détails, c'est dans cette édition, mise en onde par Albert Ndouayo. Bienvenue encore une fois. 58% des plaintes reçues par la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH, sont composées des droits à la nationalité et liberté politique. Déclaration faite mercredi par le président de cette commission lors de la présentation du rapport sur les droits de l'homme au cours de 2024. Dr Sixte Vigny Nimurab a fait savoir qu'en tout, près de 740 cas ont été enregistrés par cette commission. A suivi Dr Sixte Vigny Nimurab dans cette traduction française d'Alain Désiré Boukénez. Umugwi washikirijwe muri rusangi ibirego amajana 739 muri vyo amajana 527 vyaragiye. La commission a reçu en général 739 plaintes, 527 dossiers ont été considérés comme fondés, 212 classés sans suite, 580 ont déjà été clôturés, tandis que 159 dossiers restent pendants devant la commission. En ce qui concerne le droit à la nationalité et des libertés politiques, la commission a reçu 429 dossiers. 405 ont été considérés comme fondés, 24 ont été rejetés, 293 clôturés, tandis que 136 restent encore sous analyse. À la tête, nous avons la violation à la liberté de circulation, soit 148 dossiers, 136 détentions arbitraires, 129 liées à des lacunes des dossiers en justice, tandis que 80 concernent la torture, 72 cas de meurtre et 50 dossiers en justice qui n'ont pas été traités dans les délais prévus par la loi. A soulevé aussi 45 décisions de justice non encore exécutées. 47 sont liées au droit à la vie et 49 dossiers concernent les atteintes à la liberté. En ce qui est de la nature des plaintes, les libertés politiques et celles liées à la nationalité viennent en tête, soit 58%. Au regard des dossiers déposés à la CNIDH, ce qui domine sont des cas de lenteur des dossiers en justice, des atteintes à la liberté de circulation, mais aussi des détentions arbitraires, le tout estimé à 129 dossiers, soit 23%. Plus de 800 familles ayant des propriétés foncières dans la cellule Kigeri en zone urbaine de Ngagara demandent au chef de l'État de leur octroyer définitivement les propriétés occupées par d'autres personnes. Ils expliquent que ces propriétés datent de 70 ans, héritées de leurs grands-parents. Le point avec Jean-Marie Mayonga. C'est sous certains des habitants de la cellule Kigeri, zone Ngagara commune Ntangwa, qui disent que leurs propriétés foncières utilisées par leurs parents il y a 70 ans sont occupées par d'autres personnes. Ces familles affirment qu'aujourd'hui ils vivent dans une pauvreté alors qu'ils ont des terrains à cultiver pour faire vivre leur famille. Ces personnes disent qu'ils ont déjà saisi différentes instances juridiques pour être rétablis dans leurs droits, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas encore eu de réponse favorable. Dans cette localité, des maisons y sont érigées jour et nuit, et de l'autre côté, il y a des plants de maïs et marché des haricots cultivés par ces individus qui ont récupéré ces places. Ces gens disent être étonnés de voir la situation de misère dans laquelle ils vivent. Leurs enfants, certains ont abandonné les écoles et d'autres sont devenus délinquants. Deo Gungwiri, qui représente ces familles, explique qu'ils ont tenté de porter plainte pour voir s'ils peuvent être régularisés et rétablis dans leurs droits, mais jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas de réponse favorable. Ils ne comprennent pas comment ceux qui devraient trouver solution à leurs problèmes sont eux-mêmes qui les bloquent. Toutes ces familles demandent au chef de l'État de leur venir en aide et intervenir dans ce dossier pour qu'ils soient considérés comme tout citoyen burundais. La superficie de cet espace de Kigeri est de 224 hectares. Dans une émission publique du chef de l'État tenue en date du 27 décembre 2024, sur cette question, le numéro 1 burundais a tranquillisé, disant que l'Assemblée nationale va voter une loi qui sera une réponse à cette question. Une personne qui prend des substances psychoactives est une personne qui doit être considérée comme une personne malade, car ces substances touchent le mental. Explication donnée par le psychologue Pierre Claver Njedjimana. C'est au moment où on parle des enfants ayant 12 ans et plus qui volent et des fois usent de la violence, qu'elles ont pris des drogues. Ce psychologue trouve que le gouvernement devrait les mettre dans des centres de désintoxication avec des psychologues pour les aider à changer de comportement. On l'écoute. Ce sont des enfants qui ont un besoin, qui veulent exprimer un besoin. Ce sont des enfants qui ont été rejetés par les familles, par les leurs, et qui doivent vivre. Alors pour vivre, tous les moyens sont bons. Et ils vont commencer à prendre les substances psychoactives, les drogues, pour pouvoir justement avoir la force et le courage de voler pour leur survie. Bon, en fait, il s'agit d'un combat pour leur survie. Alors, pour moi, je dis que comme ce sont des enfants du pays, normalement, l'État, le gouvernement devrait prendre cette question à main pour mettre en place des centres de rééducation fonctionnelle pour ces enfants afin qu'ils puissent abandonner cette pratique de consommation des substances psychoactives qui les pousse à poser des actes scandaleux. Voilà, donc la seule solution, c'est au pouvoir du gouvernement de mettre en place des stratégies, des centres de désintoxication et de rééducation fonctionnelle pour que ces enfants puissent avoir une éducation spécialisée, une rééducation et être utiles à eux-mêmes mais aussi à la société. C'est une solution durable qui peut être cruciale si elle est prise pour que ces enfants puissent mener une vie comme les autres parce que apparemment ce sont des enfants qui sont abandonnés à eux-mêmes. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Certains citoyens de la province Bururi, c'est au sud du Burundi, se disent satisfaits de la situation sécuritaire qui prévoit la veille des élections, alors que la Commission électorale nationale indépendante CENI a déjà validé les listes des candidats pour les prochaines communales et législatives prévues en juin de cette année. Ces habitants de Bururi appellent la CENI à faire preuve de bon arbitre, surtout que la période de dépôt des candidatures a été émaillée de lamentations chez certains politiques. Nous admirons l'état d'avancement du processus électoral. Ce que nous disons, c'est que les élections tardent pour qu'on puisse aller voter. Nous constatons qu'il y a un manquement en rapport avec la liste des candidats parlementaires et des communales. Seul le parti CNDD-FDD pourra y participer et cela est contraire à la démocratie. Qui veut que le peuple se choisit ses dirigeants? Que la CENI essaie de membrement, essaie d'être de bons arbitres électoraux. Il est très difficile de connaître le niveau atteint par la CENI dans les processus de préparation des prochaines élections comparativement aux élections déjà passées. Mais ce que nous constatons aujourd'hui est qu'il y a des flous, notamment la discrimination de certains partis politiques dans certaines circonscriptions. Nous admirons la tranquillité qui s'observe entre les Burundais. C'est pour pour cette raison que nous interpellons les dirigeants à continuer dans ce sens de tranquilliser la population. Je proposerai à la CENI de porter à la connaissance du public le calendrier électoral, car la plupart des gens ne le connaissent pas encore, suite peut-être au manque de moyens des formations politiques. Les jeunes regroupés dans des coopératives des jeunes multipartites associés pour un développement durable en province de Kayanza disent qu'ils sont engagés à renforcer la cohabitation politique durant cette période préélectorale. Ils l'ont dit ce samedi lors des travaux communautaires qui les a rassemblés, ainsi que l'administration communale de Kayanza. Godefroy Nionizigiye, administrateur communal de Kayanza, apprécie l'initiative de ces jeunes et les appelle à toujours renforcer cette bonne cohabitation par des travaux de développement. Une information que nous devons à Patrick Nsengiyu. La coopérative des jeunes multipartites associée pour un développement durable est une coopérative qui regroupe des jeunes affiliés à cette partie politique opérant en province Kayanza, comme l'indique Célestin Douaye, président de la coopérative. Le président de la coopérative Kojima Dede en sigle indique que pour renforcer la bonne cohabitation entre les membres de la coopérative, ces jeunes réalisent ensemble des projets de développement, surtout ceux agropastoraux. Munganyinga Dorothée est le membre de la coopérative et militante du parti Frodebo à Kayanza, et elle affirme que les jeunes membres de différents partis politiques à Kayanza cohabitent bien et que cette cohabitation les caractérisera même pendant la période électorale. Même propos avec Théophile Nahimana, membre du parti IPD Zigamibanga à Kayanza. Godefroy Nionizigi, administrateur communal Kayanza, appelle les membres de différents partis politiques opérant en cette commune de renforcer cette cohabitation politique par des activités de développement pour éviter les tensions de la période électorale. Dans une réunion qui a rencontré ce vendredi le gouverneur de la province Kayanza Rémi Tshishahayo et les administrateurs communaux, cette autorité administrative et provinciale à Kayanza a exhorté ses autorités communales d'ouvrir la scène politique à tous les partis politiques pourvu que ces derniers exercent leurs activités politiques dans le strict respect de la loi. Vous saurez que les années antérieures, pendant la période électorale, il s'observait de l'intolérance politique entre les membres de différents partis politiques et surtout les jeunes. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumva pour la radio Isanganiro. Le gouvernement burundais et ses partenaires dans le secteur des télécommunications devraient s'auto-évaluer chacun de son côté pour voir si les clauses des conventions ont été respectées, réaliser des propos d'un expert en développement des télécommunications après que le ministère ayant les télécommunications dans ses attributions ait déploré le débit de la connexion Internet offert par les opérateurs des téléphonie mobile opérant au Burundi. Nathan Narundi affirme que l'auto-évaluation pourra permettre la correction des imperfections dans le but de développer ce secteur. On l'écoute. Ce qu'il faudra faire dans l'immédiat, il faut comprendre que tout opérateur dans le secteur de télécommunications signe un engagement. Alors, quelles sont les clauses de ces engagements, de ces contrats? Chaque opérateur en téléphonie mobile ou Internet doit souscrire à une connectivité nationale et non locale. C'est évident. Alors, il faut que les partenaires dans ces contrats se retrouvent ensemble. Je voudrais dire les représentants du gouvernement et les opérateurs se retrouvent ensemble pour revisiter les engagements qu'ils ont signés. Si un opérateur est défaillant à ses engagements, carrément, il dépose le tablier. Voilà, on le remplace par un autre opérateur qui est capable. Il se pourrait que même le gouvernement peut être défaillant. Le gouvernement peut ne pas avoir répondu à ses engagements. Là, alors, le gouvernement doit aussi s'ajuster pour justement répondre à ses engagements pour mieux faire le travail. Pour mieux faire en sorte que le secteur de développement doit se développer concrètement. C'est par ici que je mets un point final à cette édition. Merci Madame, Monsieur de l'avoir suivi. Merci également à Albert Ndouaïo qui assurait la mise en onde tout de suite après cette édition. Vous suivez la revue de la presse avec Jean Bosco Douiman. Mireille Kanyang. Yeah. revue de la presse. Bonjour ou bonsoir, cela dépend de votre zone d'écoute. L'IGBU dément les informations faisant état de fortes précipitations suivies d'inondations sous peu, rapporte le journal Iwachu. En effet, rappelle son confrère, après un communiqué de presse du Centre de prévision et d'application climatique sur la prévision saisonnière de mars à mai 2025, de fausses informations annonçant que le Kenya, la Tanzanie et le Burundi vont connaître plus de précipitations que d'habitude ont été relayées sur les réseaux sociaux. La fausse alerte indiquait que ces pays pourraient recevoir jusqu'à 200 mm de pluie par jour. Ce communiqué ne confirme que des précipitations inférieures à la normale dans la région de l'Afrique de l'Est, ce qui est le contraire de ce qui a été annoncé. Augustin Nzirabona, le directeur général de l'Institut géographique du Burundi, interrogé par cet hebdomadaire, dément cette information inquiétante, faisant savoir que pour plus de détails, une prévision saisonnière est en préparation pour le publier la semaine prochaine. Le gouverneur de Cibitoke contre les superstitions, écrit Net Press. Selon son confrère, des informations en provenance de la province de Cibitoke rapportent que ces deux dernières semaines, plusieurs tracts ont circulé sur la colline Ibgaï de la commune de Mugina, traitant 28 ressortissants de la place de sorciers qui doivent être tués incessamment. Le gouverneur de cette province, Karem Ibizoza, a pris la menace au sérieux et s'est rendu personnellement sur cette colline, expliquant qu'il y a des gens qui traitent d'autres de sorciers pour cacher d'autres types de conflits qu'ils ont avec eux, écrit ce journal. Il fait savoir que tant que la population raisonnera toujours en termes de crédulité, il n'y aura pas de développement, tout en invitant les populations locales à ne plus recourir à ces superstitions, poursuit ce quotidien en ligne. D'après toujours Net Press, le gouverneur Karem Ibizoza a conclu qu'ils verront dans quel bois ils se chauffent si jamais quelque chose de malheur devait arriver à l'une de ces 28 personnes ciblées par les tracts. Revue de la presse. Célébration de la Journée internationale du sport féminin, titre l'agence burundaise de presse, qui rappelle que cette journée est célébrée le 24 janvier de chaque année. À cette occasion, le Comité national olympique et l'Association des journalistes de sport ont organisé une synergie des médias où différents acteurs dans les instances sportives ont échangé sur le thème « Le sport scolaire, un vecteur clé pour le développement du sport féminin et l'égalité des genres », rapporte l'ABP. La présidente de la Commission Femmes et Sport au niveau du Sénat, Consili Nahimana, note dans les colonnes de son quotidien qu'il y a une amélioration de la participation des femmes dans le sport, avec un taux de participation passé de 14,39% en 2017 à 23,43% en 2024, et qu'au niveau de l'administration des fédérations, les femmes représentent 30% contre 15% au niveau de l'arbitrage. De son côté, Sœur Victoire Nyandoui, directrice du lycée Sainte-Thérèse de Mouchacha, l'ex-école normale des filles, NF, trouve qu'il y a des avantages au niveau du développement personnel des filles quand elles pratiquent du sport. Ces dernières deviennent plus responsables, sont de plus en plus mieux organisées, a-t-elle concédé, ajoutant que, d'après son expérience, les filles qui pratiquent du sport développent une intelligence que les autres filles qui ne le font pas, rapporte toujours l'agence burundaise de presse. Terminons cette revue de presse par ce coup de gueule d'un blogueur du collectif IAGA à propos de certains ateliers de formations et conférences au Burundi, budgétivore, mais pour quel impact, s'interroge-t-il, non sans regret. Pour lui, certains ateliers de formations et conférences sont devenus des rites sans âme, des spectacles où l'argent coule à flot, mais où les idées restent à sec. Les recommandations s'empilent comme de vieilles lettres qu'on n'ouvrira jamais, et chaque atelier produit son lot de solutions, mais rien ne change en réalité. Ce blogueur suggère de transformer ses formations en quelque chose de réellement engageant à travers des sessions interactives où les officiels s'approprient les débats et recommandations pour donner l'exemple. Pourquoi ne pas inclure des ateliers pratiques qui obligent les participants à se lever, réfléchir, créer? Pourquoi ne pas repenser le système de per diem pour récompenser l'implication réelle plutôt que la simple présence physique, lance-t-il. Si rien ne change, conclut ce blogueur du collectif IAGA, les formations et conférences resteront ce qu'elles sont, un festin sans nourriture, un spectacle où tout le monde joue son rôle, mais où personne n'écoute réellement. Ainsi se referme cette revue de presse préparée et présentée par Jean-Bosco Ndouimana. Restez branchés sur nos ondes. Revue de la presse.